Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de Samuel Girard qui a signé son premier contrat recrue avec les Prédateurs de Nashville. Donc, c'est des signes certainement qu'il est très apprécié de la direction des Prédateurs de Nashville. Et en entrevue hier sur les ondes de Dan Radio Sport, il a bien voulu évidemment commenter son premier match dans la Ligue nationale où il a joué 20 minutes 49 secondes. Et il a très, très bien fait lors de cette rencontre-là. Il a été utilisé en avantage numérique et en désavantage numérique. Oui, bien, écoute, je pense que les coachs me font confiance. Là, et ils ont l'air à beaucoup m'aimer. C'est pour ça qu'ils m'ont donné beaucoup de temps de glace. Hier, j'ai joué à 5 contre 5 en power play. Après ça, en désavantage numérique aussi. Fait que, c'est ça. Ils ont l'air à m'aimer beaucoup puis ils me donnent beaucoup de temps de glace. C'est le fun de voir qu'ils font beaucoup confiance comme ça. Là. OK. On t'a qualifié. Et dans un deuxième temps, Samuel Girard a mentionné que la vitesse d'exécution est certainement la différence la plus notoire. Oui, c'est sûr que oui, plus en plus qu'ils font, comme quand je suis arrivé junior en 2003, c'est sûr qu'il y avait une coche de plus élevée, mais après un certain temps, tu t'adaptes. Je pense que c'est plus en plus qu'ils font, c'est les joueurs qui sont moins devant rond, là, plus en plus que tu trouves ça facile, tu sais, les joueurs qui savent tout où se placer, puis toi, en tant que défenseur, tu sais où ils sont, fait que t'as rien qu'à regarder, puis en tout cas, moi, je trouve ça que plus en plus, ta vision, c'est plus facile, tout, mais c'est sûr que le jeu, puis tout ça, c'est plus rapide, là, mais après, ça peut... Et dans un troisième temps, Samuel Girard goûte vraiment sa première expérience dans la nationale de hockey, et il adore cette expérience. Ouais, tu sais, je pense pas que j'ai de mots pour ça. C'est tellement une expérience incroyable que j'ai en ce moment, tu sais, d'être avec toutes les joueurs de la nationale, dans la ville, là. Une belle expérience que j'ai surtout à 18 ans, tu sais. C'est rare qu'ils invitent un peu de monde à 18 ans à leur gros camp. Fait que, tu sais, je suis vraiment heureux puis honoré puis d'avoir de la chance là. Puis, tu sais, moi, justement, je suis encore d'eux puis j'essaie d'apprendre d'eux puis, des coachs me parlent aussi, ils me donnent des conseils, puis ça va bien là-dedans, mais comme je disais toutes les fois, moi je suis venu au camp pour me laisser impressionner, puis c'est sûr, je veux faire ma place, ça va être difficile, mais il y a plus de chances que je me retourne junior, mais je vais essayer de performer junior, puis je vais essayer de... Bonne nouvelle pour les partisans des Saguenay de Chicoutimi, ils pourront compter sur les services de Nicolas Roy pour le prochain match des Saguenay contre le Drakkar de Baie-Comeau. Et donc, il reste seulement deux joueurs au camp d'entraînement, soit le défenseur Frédéric Allard, qui est à Nashville, et l'attaquant Dimitri Zoukenov, qui, lui, est avec les Canucks de Vancouver. Et Pierre-Alexandre Bédard est maintenant au sixième rang au championnat de golf des professionnels du golf du Québec qui se déroule dans le coin de Montréal. Bédard, hier, a joué une ronde de 73. L'autre joueur du secteur, Lucas Dupéré, n'a pas fait la coupure. Il a joué hier 72. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Pierre Arsenault, dépisteur des Marlins de la Floride, où on parle évidemment du décès de José Fernandez. Michael Gaudreau, des ambassadeurs de Chibougamau, vient nous parler des succès des ambassadeurs, ou plutôt des défaites des ambassadeurs qui sont survenus au cours du week-end. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.